bien, salut à tous, c'est Eric avec vous. On est ensemble pour une bonne dose de métal. Je vous rappelle le nom de l'émission, c'est Metal Express. Et du métal, on va s'en mettre plein la tête. Metal Express, c'est chaque lundi de 19h à 20h, et le premier lundi du mois spécial Metal 80, tout ça avec Eric Cerie sur Radio Heavy Metal, et en rediffusion sur Radio Metal Révolution chaque jeudi vers 20h. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Et toi, tu veux plus de métal? Alors Radio Heavy Metal est la radio qu'il te faut. C'est des nouveautés métalliques tous les jours et n'oublie pas, tu fais partie d'un groupe de métal, nous sommes là. Alors rien de plus simple, envoie-nous du MP3 ou Wave plus votre pochette ou votre logo à radioheavymetal76@gmail.com et vous serez diffusé dans le monde entier sur la seule radio 100% métal et découverte. Terror! Bring it for the world to save you! Unknown threat came Metal Express avec Eric. Metal Express avec Eric. We'll be right back. driving through the